Le journal biélorusse Samostoyatelnosti du mois de janvier a fait paraître l'historique lettre du dirigeant suprême Kim Jong-un adressée aux participants à la 8e conférence de l'Union des travailleurs agricoles de Corée pour un rôle redynamisé de l'Union des travailleurs agricoles dans l'œuvre socialiste Chuche.